بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ha Mim. Par l'écriture explicite, nous en avons fait un Coran en arabe afin que vous compreniez. Ce Coran est auprès de nous dans l'écriture originale, sublime et remplie de sagesse. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. Quoi ? Allons-nous détourner de vous leur appel parce que vous êtes un peuple outrancier ? Que de prophètes avons-nous envoyés au peuple du passé ? Et aucun prophète n'est venu à eux sans qu'ils ne se moquent de lui. Et nous avons anéanti des hommes plus forts que ceux-ci. Nous en avons déjà cité des exemples. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils répondront certainement le puissant, l'omniscient les a créés. C'est lui en effet qui a fait de la terre un gîte pour vous et qui vous y a placé des sentiers pour que vous puissiez vous guider. Et c'est lui encore qui fait descendre l'eau du ciel en juste proportion, eau avec laquelle nous ranimons une contrée morte. Ainsi serez-vous un jour tirés de vos tombeaux. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. C'est lui qui a créé les espèces vivantes par couple et qui vous a assigné des vaisseaux et des bestiaux comme moyen de transport, afin que, installés sur le dos de ces derniers, vous vous rappeliez le bienfait de votre Seigneur et que vous disiez « Gloire à celui qui nous a soumis tout cela, alors que nous étions incapables de les dominer nous-mêmes. Et en vérité, c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. » إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. Ils font des simples créatures de Dieu une part intégrante de lui-même. L'homme est vraiment un ingrat déclaré. Se serait-il attribué des filles parmi ce qu'il a créé, vous accordant à vous des garçons? Or, lorsqu'on annonce à l'un d'eux la naissance de ce qu'il attribue au tout miséricordieux, son visage s'assombrit et il est rempli d'une rage profonde. Quoi? Cet être élevé au milieu des parures et qui, dans la dispute, est incapable de se défendre par une argumentation claire et convaincante. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على Et ils font des anges, qui sont les serviteurs du Tout Miséricordieux, des êtres féminins. Ont-ils été témoins de leur création? Leur témoignage sera alors inscrit, et ils seront interrogés à ce sujet. Et ils disent, si le Tout Miséricordieux avait voulu, nous n'aurions pas adoré ces divinités. Mais ils n'en savent rien, et ils ne font que se livrer à des conjectures. Leur avons-nous donné avant ce Coran quelque autre écriture à laquelle ils seraient fermement attachés? Ils allèguent plutôt, nos ancêtres suivaient une certaine religion, et nous nous guidons sur leurs pas. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على Et c'est ainsi que jamais avant toi, nous n'avons envoyé un messager dans une cité pour avertir ses habitants, sans que les gens aisés parmi eux disent. Nos ancêtres suivaient une certaine religion, et nous suivons leurs traces. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. Et le messager répondait, quoi? Même si je vous apporte une religion plus à même de vous guider que celle que suivaient vos ancêtres. Et il répliquait, nous ne croyons pas au message que vous nous apportez. Alors nous nous vengeâmes d'eux. Regarde ce qu'il est advenu de ceux qui traitaient nos messagers de menteurs. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Et quand Abraham dit à son père et à son peuple, « Certes, je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. » Et il fit de cette déclaration une parole qui allait se perpétuer parmi sa descendance, et qui peut-être allait les faire revenir au droit chemin. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإن Mais ces gens et leurs ancêtres, je les ai laissés jouir de la vie jusqu'à ce que leur vienne la vérité, apportée par un messager s'exprimant clairement. Et quand leur parvint la vérité, ils dirent : C'est de la magie, nous n'y croirons jamais. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Et ils dirent, si seulement ce Coran avait été révélé à un haut personnage de l'une des deux cités, serait-ce à eux de distribuer la miséricorde de ton Seigneur ? C'est nous qui répartissons entre eux leur subsistance ici-bas, et qui accordons à certains des rangs plus élevés qu'aux autres, afin qu'ils puissent se rendre service mutuellement. Cependant, la miséricorde de ton Seigneur vaut mieux que ce qu'ils amassent. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. S'il n'était à craindre que les hommes ne forment qu'une seule communauté de mécréants, nous aurions pourvu les maisons de ceux qui ne croient pas, ô tout miséricordieux, de toitures d'argent avec des escaliers pour y monter. Nous aurions pourvu leurs maisons de portes d'argent et de divans sous lesquels s'allonger, ainsi que de parures d'or, et tout cela n'aurait été que jouissance temporaire du monde d'ici-bas, alors que l'au-delà, auprès de ton Seigneur, est réservé aux pieux. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعك تنفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين Et quiconque s'aveugle à l'égard du tout miséricordieux, nous lui assignons un démon qui devient son compagnon inséparable. Et certes, les démons ne cessent de détourner les hommes du droit chemin, tandis que ceux-ci se considèrent bien guidés. Lorsque cet homme comparaît devant nous, il dit à son compagnon « Ah, que n'y a-t-il entre toi et moi ? Une distance équivalente à celle séparant l'Orient de l'Occident. Quel mauvais compagnon que tu es ! Et du moment où vous aurez été injuste, le fait de subir tous deux le châtiment ne vous profitera en rien ce jour-là. Quoi ? Serais-tu capable de faire entendre les sourds ou de guider les aveugles ? Ou ceux qui sont dans un égarement évident. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ Ou bien, nous allons t'emporter, et nous nous vengeons alors sûrement d'eux. Ou bien, nous allons te faire voir ce que nous leur avons promis, et nous avons sur eux un pouvoir certain. Tiens fermement à ce qui t'est révélé, car tu es certes sur le droit chemin. En vérité, ce Coran est un rappel pour toi et ton peuple, et vous serez interrogés à son sujet. Et demande à ceux de nos messagers, que nous avons envoyés avant toi, si nous avons jamais établi des divinités destinées à être adorées en dehors du tout miséricordieux. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ Nous avons effectivement envoyé Moïse avec nos signes à Pharaon et ses notables. Il leur dit « Je suis le messager du Seigneur des mondes ». Mais lorsqu'il leur apporta nos signes, ils s'en moquèrent. Chaque signe que nous leur présentions était plus impressionnant que son précédent. Puis nous leur fîmes subir un tourment. Peut-être reviendront-ils. Ils dirent à Moïse, « Ô toi le magicien, implore pour nous ton Seigneur au nom de l'engagement qu'il a pris envers toi. Nous suivrons alors le droit chemin. » Dès que nous les eûmes libérés du tourment qu'ils subissaient, ils violèrent leurs promesses. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين Et Pharaon fit une proclamation à son peuple. Ô mon peuple, le royaume d'Égypte ne m'appartient-il pas, de même que ces ruisseaux coulant à mes pieds, ne voyez-vous donc pas? Ne suis-je pas meilleur que ce méprisable individu qui sait à peine s'exprimer? Comment se fait-il qu'on ne lui ait pas fait descendre des bracelets d'or? Et pourquoi n'a-t-on pas envoyé d'anges pour l'accompagner? Ainsi s'appliqua-t-il à étourdir son peuple et lui obéir. C'étaient sûrement des gens pervers. فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ Ils avaient provoqué notre colère. Nous sévîmes contre eux et les noyâmes tous. Nous fîmes d'eux un précédent et un exemple pour la postérité. ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. Quand on cite l'exemple du fils de Marie, ton peuple pousse les hauts cris en disant « Nos dieux sont-ils meilleurs ? Ou alors est-ce lui ?» Il ne te pose cette question que par esprit de controverse. Ce sont vraiment des disputeurs. Jésus n'était qu'un serviteur que nous avions comblé de bienfaits. Et que nous avions désigné en exemple aux enfants d'Israël. Et si nous l'avions voulu, nous aurions établi parmi vous des anges qui vous auraient succédé sur terre. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم Jésus sera un signe de l'arrivée imminente de l'heure. N'ayez donc aucun doute au sujet de l'heure, et suivez-moi, voilà le droit chemin. Et que Satan ne vous en détourne point, il est certes pour vous un ennemi déclaré. Quand Jésus vint avec l'épreuve, il dit « Je suis venu à vous avec la sagesse, et je viens vous expliquer certains points qui vous divisent. Alors craignez Dieu et obéissez-moi. Dieu est en vérité mon Seigneur et le vôtre. » Adorez-le donc, tel est le droit chemin. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Les factions divergèrent entre elles. Malheur donc aux injustes, ils subiront le châtiment d'un jour douloureux. N'attendent-ils que l'arrivée de l'heure ? Elle viendra à l'improviste, sans qu'ils ne l'aient pressentie. Ce jour-là, les amis deviendront ennemis les uns des autres, à l'exception des pieux. « Ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wa la antum tahzanoun. Alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Udkhulu al-jannata antum wa azwajukum tuhbaroun. » يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. Ô mes serviteurs, n'ayez aucune crainte aujourd'hui et ne soyez point affligés. Vous qui croyez en nos signes et qui étiez soumis, entrez dans le jardin avec vos épouses, vous y serez luxueusement traités. Là on fera circuler parmi eux des plateaux d'or et des coupes. Il y aura pour eux tout ce que les âmes désirent et tout ce qui réjouit les yeux, et vous y demeurerez éternellement. Tel est le paradis dont vous héritez en récompense de ce que vous faisiez. Vous y disposerez à profusion de fruits que vous mangerez. Innal mujrimina fi 'adhab jahannam khalidun la yufattaru 'anhum wa hum fihi mublisun wa ma zalamnahum walakin kanu hum adh-dhalimin. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. Quant aux criminels, ils demeureront éternellement dans le châtiment de l'enfer, qui ne leur sera jamais diminué en rien, et ils y seront voués au désespoir. Nous ne les avons point lésés, ce sont eux plutôt qui se sont fait du tort à eux-mêmes. Et ils crieront « Ô Malik, que ton Seigneur nous achève !» Il dira « Vous êtes ici à jamais. Certes, nous vous avons apporté la vérité, mais la plupart d'entre vous détestent la vérité. » أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ. Ont-ils établi un plan ? Mais nous avons les moyens de parer à tout. Ou s'imaginent-ils que nous ne pouvons entendre leurs pensées secrètes, ni leurs conseils privés ? Mais si, nous envoyer poster près d'eux transcrivent tout. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Dit, si le tout miséricordieux avait un fils, je serais le premier parmi ses adorateurs. Gloire au Seigneur des cieux et de la terre, au Seigneur du trône. Il est bien au-dessus de ce qu'il lui attribue. Laisse-les donc s'enfoncer dans leurs vains discours et s'amuser jusqu'à ce que vienne à leur rencontre le jour dont on les menace. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. Et c'est lui qui est Dieu dans les cieux et Dieu sur la terre. Et il est le sage, l'omniscient. Et béni soit celui à qui appartient le pouvoir suprême sur les cieux, la terre et tout ce qui existe entre eux. Lui seul détient la connaissance de l'heure et c'est vers lui que vous retournerez. Et ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne possèdent aucun pouvoir d'intercession, à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. Et si tu leur demandes qui les a créés, ils répondront très certainement « Dieu ». Comment se fait-il donc qu'ils se détournent ? فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. Et le prophète dit : Ô mon Seigneur, en vérité voici un peuple qui ne croira jamais. Ô Mohammed, sois patient avec eux et dis : Salut, ils vont bientôt savoir.